Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille. Heureux de vous retrouver à CKRL, la radio qui aime le son et qu'on s'intonise au 89.1 sur les ondes et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone. Je vous propose ce soir, en reprise, un entretien avec l'artiste sonore Antoine Bélanger, un passionné d'art visuel, de photographie et de radiophonie. Antoine Bélanger arpente depuis plusieurs années les collines sonores du Pays basque. Il le fait parfois très lentement, d'autres fois à vive allure, au pas de course, dit-il, pour découvrir un monde sonore plutôt inattendu qui émerge au fil des pistes. Un monde sonore qu'il a fixé sur un album lancé en 2022 et intitulé Run. C'est un projet issu de captations sonores réalisées au fil d'une géographie, on va dire ça comme ça, réflexive. Ce chemin rejoint-il celui d'hier? Qu'y a-t-il derrière ce virage? Que voit-on de tout là-haut? Eh bien, c'est les questions qu'Antoine Bélanger se pose en accélérant et en se mettant à courir. Avec la fatigue, les cuisses brûlantes, les mollets griffés, la sueur et le vent dans les yeux, il écoute à vive allure. Les mille ans se plaignent au loin, dit-il. Les insectes m'hypnotisent. Les sabots font résonner le sol. Une mouche me percute. Un troupeau surpris s'éparpille devant moi. Une ombre passe. Ben voilà, l'album Run et ce monde, de conclure Antoine Bélanger. Alors, je l'ai rencontré en 2022, suite à la sortie de ce dernier album, pour converser avec lui sur ses motivations d'artiste, son univers sonore, ses projets à venir. Alors voilà, parole à l'artiste Antoine Bélanger, entouré de quelques-unes de ses nombreuses créations. Alors, Antoine Bélanger, bienvenue à l'émission. Très, très content de te rencontrer. De même. Bonjour. Antoine, en lisant les lignes, je comprends que tu es familier à la photographie, à la musique, l'art sonore. Il y a des projets d'art visuel. J'aimerais ce matin que tu me résumes ton parcours artistique. Qui est Antoine Bélanger, l'artiste? Alors, c'est plutôt le chaos, quand même, comme parcours, ou l'absence de parcours, je sais pas. J'ai fait aucune école, je suis autodidacte en tout. Et je me souviens que quand j'étais tout petit, je voulais plutôt faire du dessin. Et j'ai jamais trouvé l'école, en vrai, c'est vrai ça, j'ai jamais trouvé l'école de dessin que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait demi-tour, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire de la musique maintenant. Mais ma musique n'est jamais vraiment été de la musique, elle est aussi plastique, parce que je travaille aussi ce qui l'accompagne, ce qui l'entoure, le packaging ou la manière de la montrer, quoi. Je travaille de manière omnidirectionnelle, comme le micro, mais toujours avec une base sonore au milieu. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me... C'est mon outil préféré, quoi. Mais après, j'ai pas de limite autour, quoi. Que ça soit du dessin, de la photo, de la terre, des films... du sport même, n'importe quoi. Antoine, pour se mettre un peu dans l'ambiance, je te propose, on va écouter une pièce que tu réalises en 2014. Ça s'appelle Vagnas. Il y a un jeu de mots avec les vacances. On va écouter un extrait et puis on revient ensemble pour poursuivre cette conversation. Très bien. Thank you. naturellement. Vete por ahí, no te va a coger. Mira, ya se ha ido. Antoine, dis-moi, j'aime toujours poser un peu cette question. Comment apparaît cet intérêt pour le son, cet intérêt pour l'univers sonore, l'expérimentation sonore? Comment ça surgit? Est-ce qu'il y a un moment clé dans ton cheminement artistique ou personnel qui fait que ça devient un champ d'intérêt prédominant? Ben, c'est quand même la seule... La seule chose qui est pas qui est tellement abstraite et tellement concrète pour tout le monde, c'est-à-dire que pour moi le son est infini dans sa profondeur, dans sa largeur, etc. Et en même temps, elle peut raccrocher à des souvenirs très intimes, très concrets de chacun. Et moi, je trouve ça génial. C'est une plastique infinie, quoi. Et on n'a pas besoin d'être virtuose non plus. On peut aussi fabriquer des choses en tapant sur des cailloux ou etc. quoi. C'est tellement élastique que je trouve ça génial. Et peut-être que ça me permet de me cacher derrière ça aussi parfois. Mmh. Il y a cette proximité qu'on retrouve à la nature, au paysage. Il y a aussi le Pays basque qui est très présent dans tes propos, dans tes univers. Est-ce que je décode là un intérêt particulier pour... d'où vient cet intérêt particulier pour la nature, pour le paysage? J'habitais à Nantes avant, pendant de longues années. Je faisais plus du synthé, etc. Mais j'avais toujours une approche de field recording derrière les nappes de synthé. Il y avait toujours un petit bruit d'oiseau ou de quelque chose. Parce que ça me paraissait aussi d'ouvrir des portes de l'imaginaire, de faire comme un décor à chaque fois. Et pour des raisons familiales, j'ai emménagé ici dans les petites collines basques il y a 5 ans. Et je me suis retrouvé ici dans un des plus beaux studios du monde, quoi. Parce que du coup, c'est complètement infini. Et il faut imaginer que moi, j'habite dans une petite alcôve de montagne où, à part la tondeuse des voisins, c'est un silence génial. Et du coup, je me suis retrouvé avec un studio de dizaines et dizaines d'hectares dans des forêts, des ruisseaux et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas m'embêter à trouver des synthés très compliqués. Je les ai juste devant moi, quoi. Donc voilà, et ça me permet de... Je suis aussi très, très bien tout seul dans la montagne et tout ça. Donc ça me permet aussi d'être bien dans tous les sens du terme, quoi. Antoine, pour poursuivre un peu dans ton univers sonore, on va écouter une pièce qui est tirée d'un album qui est très intéressant, qui est très beau. Un album qui s'intitule « Empreinte ». Et on va écouter la pièce « Avaler tout le cheval en voulant t'aspirer juste un poil ». Alors, on écoute cette pièce et on poursuit notre conversation. Antoine, on vient d'entendre une pièce là, tirée de cet album Empreinte, dans lequel tu dis que c'est un album qui n'est jamais fini. Tu dis que c'est un field recording au-dedans de ma tête. J'aimerais ça un peu t'entendre sur ce que tu as à l'esprit en exprimant cette idée-là. Parce que dans un autre cas, tu racontes que tu pensais jamais faire du field recording en tant que tel. Et pourtant, c'est une pratique artistique là, qui t'habite énormément. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Du coup, quand je suis arrivé au Pays Basque, je me promenais dans les forêts et tout ça. Et forcément, il y avait des très beaux sons et tout ça. Et je me disais, mais c'est quand même nul de mettre un micro et d'enregistrer et de dire que je fais du field recording. Et je trouvais pas ça, je trouvais ça un peu plat, quoi. Et il a fallu quelques années pour que je trouve des histoires. Et du coup, c'est devenu une matière première nécessaire parce que c'était la seule qui était autour de moi. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec les sons qui m'entouraient et tout ça. Et quant au field recording de dans ma tête... En fait, je travaille beaucoup avec des pièges à son ou des choses comme ça, des micros que je laisse pendant la nuit dans la montagne, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose, mais dans mon propre cerveau. Et je me suis dit, je vais laisser des micros tourner dans ma tête et je vais juste improviser, par contre qu'avec des matières synthétiques. Et je me suis dit, mais en fait, mes idées, elles n'arrêtent pas de changer en permanence. Et du coup, je me suis rendu compte que les chansons elles devenaient vivantes parce que mon idée elle change aussitôt où je commençais à faire quelque chose, j'ai envie d'aller ailleurs. Et du coup, je me suis dit que ce disque était vivant maintenant et ça devenait un animal à part entière. Là, il est en train de dormir dans une grotte parce qu'il faisait un petit peu froid. Donc, il bouge pas trop en ce moment. Mais il va se réveiller petit à petit. Antoine, tu as produit tout récemment un album qui s'intitule « Run ». C'est une déambulation, une promenade dans un paysage qui est à la fois réel et imaginaire. Et j'aimerais que tu me racontes l'histoire de ce projet, comment il se développe, comment il est construit. Ça, c'est venu un peu à, par rapport à ce que je racontais tout à l'heure sur le field recording que je ne trouvais pas nécessaire au début où j'étais ici. Et du coup, j'ai préféré, au lieu d'enregistrer la nature, arpenter tous les chemins et les chemins encore, et aller voir encore plus haut que la colline, aller voir ce qu'il y a derrière. Et sauf que ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai commencé à courir quand même pour gagner du temps, parce que je voulais faire tous les chemins autour de mon village, ce qui est impossible, hein, je vous le reconnais maintenant. Et du coup, j'ai commencé à courir de plus en plus. Et je ne suis pas un sportif de haut niveau, donc je suis vite fatigué, on se blesse vite et tout ça quand on n'est pas habitué. Et j'ai commencé à ressentir mon environnement un peu différemment et un peu féerique, quoi. Avec la fatigue, la sueur dans les yeux et tout ça, on voit un peu flou. Et de toute façon, on ne peut plus trop regarder quand on court en descente et tout. Et on entend un peu de manière différente, un peu... j'entendais quelqu'un qui disait que quand on court en montagne, on est un peu comme un ninja, parce que du coup, nos sens sont un peu surdéveloppés, ce qui n'est pas faux, je crois. Et du coup, j'essaie de reproduire les sons et les sensations que j'ai quand je cours à mon rythme, évidemment, mais en montagne, donc, il y a quelque chose d'un peu irréel aussi, un peu chamanique. Et du coup, est née cette idée de pièce. C'est un très bel album dont on va entendre un extrait, une pièce intitulée « De chaque côté de sa peau, danse le sang et le poil ». Un album dont les titres sont très poétiques, très évocateurs. Allez, on écoute ça. Thank you. Voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste sonore Antoine Bélanger. Restez des nôtres, on est de retour très rapidement, à tout de suite. KRL 89.1. Vous écoutez? La croche oreille. On est de retour, c'est la croche-oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL 89.1 à Québec. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions archivées jusqu'à maintenant. Au programme ce soir, un entretien avec Antoine Bélanger, artiste visuel, musicien et artiste sonore dont les œuvres sont très inspirées par l'air, la terre et le souffle de la nature. J'enregistre du son avec une guitare ou un ruisseau, un ordinateur ou un bout de terre, raconte-t-il. Antoine s'exerce à la captation sonore sur le terrain pour en dégager, dit-il, des poésies tout aussi littéraires que sonores, comme l'illustre à merveille le titre de ses créations. La brume mordit encore le col dans cette nouvelle robe. Son cœur bat, il s'envole. Il se frotte contre l'écorce et de son bras coule l'étoile. Je referme les guillemets. Antoine Bélanger est également un passionné de radiophonie, actif sur les ondes de la radio DIA depuis Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque français, sur Jet FM depuis la ville de Nantes et sur Pinode depuis Mulhouse et Paris en DAB+ et sur le web. Tout ça, très facile à trouver. Voilà, Antoine Bélanger m'accordait un entretien en 2022 autour de son album intitulé « Run », un album réalisé en mouvement. On peut voir d'ailleurs une vidéo de son travail sur son site, là, Antoine Bélanger, Bélanger, B-E-L-L-A-N-G-E-R. Voilà, je vous propose la suite de ma conversation avec Antoine Bélanger. Thank you. Et Antoine, dis-moi, derrière tous ces albums, qu'est-ce qui t'inspire sur le plan artistique, mais en général? Est-ce qu'il y a, des manifestations de la vie quotidienne qui te sont plus proches, là, ou dans l'univers artistique en tant que tel? C'est dur, ça, quand même. Beaucoup de choses, mais ça peut être aussi bien un objet qui tombe dans un rayon d'un supermarché ou une exposition. J'ai pas de référence musicale nette, claire et nette. Sous le son ou les autres choses que je fais, je les vois plus comme... comment dire? Le son, j'aime bien le jouer quand je l'écoute. Je n'ai pas, de pratique, j'ai pas l'impression de le jouer, le son. Je l'écoute, quoi. Et c'est un peu... être un peu extérieur aux choses aussi, un peu, hein, une manière un peu poétique de voir les choses. Ce qui m'inspire, ça peut être beaucoup de choses en promenant forcément dans la nature, ou des expositions et des choses comme ça. Mais c'est un peu quotidien, je fais tout pour que ça soit quotidien, d'être un peu surpris par les choses. Oui, tout à fait. Antoine, dis-moi, tu es aussi très engagé dans l'univers de la radiophonie. Et quel est là encore ton projet derrière cette idée de travailler sur la radio, d'être présent, d'être une voix radiophonique? La radio, c'est un peu né de tout ça aussi. J'y suis vraiment arrivé, comme beaucoup, pendant le Covid et tout ça. Ça me permettait de toujours construire des pièces sonores et les diffuser alors qu'on était tous confinés. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, et à commencer à faire des promenades avec le son, et je me suis vite aperçu que c'était quand même super génial de faire de la radio, parce qu'on pouvait aussi bien faire des mix comme un DJ, aussi bien faire des reportages comme un journaliste, aussi bien faire du synthé soi-même comme une pièce sonore qu'on diffuse. Et en fait, c'est quand même un des rares endroits qui est illimité. La forme, elle est complètement... Il y a encore tant de choses à essayer. Et... à chaque fois, ça me prend un temps fou de faire des émissions qui s'appellent Cui-Cui et tout ça, mais j'en ai marre de tout ça. Mais une fois qu'on a commencé, c'est quand même un peu une drogue. Tu me diras pas le contraire, je pense. Et c'est vraiment infini, quoi. Et c'est pareil, on peut faire vraiment de tout avec la radio. Et aussi trouver un public entre guillemets, faire écouter ce qu'on fait aussi à des gens comme nous là. On se rend compte alors qu'on habite loin l'un de l'autre. Et c'est aussi une manière de diffuser les choses très, très loin à des gens très, très proches. Tout à fait. Très belle perspective. Antoine, on va écouter un autre titre tiré de l'album Run, une pièce qui s'intitule « Il se frotte contre l'écorce et de son bras coule l'étoile ». Antoine, pour compléter notre conversation de ce matin, est-ce qu'il y a des projets qui sont sur ta table de travail, qui sont en marche actuellement, soit en termes de création, de diffusion? Qu'est-ce qui se profile pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors là, bah, du coup, j'essaye de diffuser Run, que je joue en live aussi avec une vidéo que j'ai faite de moi en train de courir dans la montagne. Donc c'est vraiment jouer avec ces deux aspects. Donc je suis en train d'essayer de trouver des endroits où jouer. Donc ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on prépare, on a une boutique associative au village, qui était d'abord une boutique de peintres du village et tout ça. Et j'ai intégré l'association pour essayer de vendre la musique, encore pour essayer autre chose à faire avec la musique. C'est-à-dire que je vends moi-même mes objets musicaux à des touristes ou des passants du village. Donc ça va m'occuper pendant l'été déjà. Antoine, on peut t'écouter aussi à la radio. Rappelle-nous là où on peut t'entendre sur le plan radiophonique. Alors, mon émission de radio s'appelle Cui-Cui, et elle passe sur DIA, une petite radio de Saint-Jean-de-Luz, d'ici, sur pinote.org le lundi soir, un lundi sur quatre à peu près, et sur JTFM à Nantes. Antoine Bélanger, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste Antoine Bélanger. Grand merci Antoine de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres sonores que vous retrouverez facilement sur la plateforme Bandcamp ainsi que sur son site perso. Sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.